chambre est basse et sans aplomb. Les murs peints au noir de fumée sentent la choucroute. Tous les meubles sont quadrangulaires. Des poutres cuites servent de ciel. Une lampe à huile brûle comme une âme. Partout sur les chaises, sur le sol, de grandes lingeries éparses. Peut-être un peu de paille. Des femmes, la langue à la poche, mystère, mystère, mystère. Dehors, l'aube est encore noire. L'étoile Algol entre à pas de loup par la fenêtre. La mécanique céleste oint d'huile ses rouages pour s'accorder au rythme de l'opération. Huile, huile. Huile, don, ré, mi, ré. Des mugissements sourds encombrés de foin viennent de l'étable. Une clochette de vache rumine dans sa barbe de lait. Un chien aboie en forme de queue et toujours ses coques. Jeanne naît dans un cri d'oiseau. La ville arçoit sur une nappe blanche, à l'arrière-plan, vastes échos des soupirs maternels. Quelle est douce la souffrance des mères. Aussitôt la chambre se rajeunit, un feu de sapin droit comme un sapin flambe dans l'âtre, un grand saladier de vin chaud tout fleuri de citrons et d'épices écume et rit sur la table, des passages de linge font de longues blancheurs, humble magie et grave grâce de la naissance. Déjà la sage-femme soulève l'enfant nu à bout de bras et désignant à l'assistance le centre de son corps, une pucelle.